Leçon 2. Activités 2 et 3. Page 36. Piste 25. Oui. Allô? Bonjour madame. Je m'appelle Hugo. Je voudrais parler à Cathy, s'il vous plaît. Désolée, Cathy est au cours de badminton avec ses amis. Et toi, tu n'y vas pas? Si, j'y vais cet après-midi. Alors, tu veux laisser un message? Non. Merci madame. Au revoir Hugo. Au revoir madame.